Asamblea ya Chevy. Mozoki sherina senge balado, sherina senge yo balado. Tobande la bolingo nenge tobandaki na kati ya sentima. Oh sherie, sentima nanga ekole malemba. Ngai motema mozoki sherina senge balado, pesanga yeze alitama. Oh sherie, akokate na kanga motema moto moto. Ngai motema mozoki sheri nasengi yo verifie. Sheri nangai yo rectifie. Tobandela bolingo ndenge tobandaki na kati ya potopoto. O sheri achumi nanga na kolela lela. Ngai motema mozoki sheri nasengi parado. Pesanga epese ya litama. O sheri akokate na kanga motema moto moto. Ngai na lela sheri. La chérie, à tout mina mea et à gombele, Tobane la bolingo n'enge tobanaki na katia braza. O chérie, sentiment n'a pas école malema. Ay mote mamos, o kin chérie n'a sengi parado, pesanga et pese alitama. O chérie, na kokate na kanga mote mamoto moto. Ay nare la chérie, chérie, na kore la lela. kinsheri na sengi parado Pesa nga pinse ya litamba o sheri ye Akoka tena kanga motema moto moto Kaina lela sheri ye sheri ye na kore la lela Ngai motema mozo kinsheri na sengi parado Oh, sheri na sengi o parado Tobande la bolingo nenge tobanda kina kati ya basantima Oh chérie, sentiment nanga ekole malemba. Ndote mamo zoki chérie na sengi parado. Esanga bese ya litamba. Oh chérie, akoka tena kanga motema moto moto. Kaina lela chérie, chérie na kolela lela. Ngai motema mamo zoki chérie na sengi o verifie. Oh chérie nanga yo rectifie. Tobande la bolingo nenge tobandaki na kati ya poto poto O chérie achubina nga na kolela lela Ngai motema mozo kinsheri na sengi parado Esa ngai beze ya litamba O chérie akoka tena kanga motema moto moto Ngai na lela chérie chérie na kolela lela Oya bisu Uga uga Oh ma belle, je suis déçu. Oh ma

mabongo pesa besio na salina ngalika moteo pesa nga besio Oh,